chevalier du cœur de Paris se rappelait plus du bout des prairies. Il faisait la guerre avec ses amis, dedans la fumée, dedans les métros, dessus les pavés, dedans les bistrots. Il ne savait pas qu'il en était sous, il ne savait pas qu'il dormait debout. Paris le tenait par la peau du cou. Oh, les pommiers doux, rondes et ritournelles. J'ai pas peur des loups, chantonnait la belle. Ils ne sont pas méchants avec les enfants, dont le cœur est fidèle et les jeunes blancs. Un pommier doux, il l'a retrouvé, croisant le soleil avec la rosée. Vive les chansons pour les bien-aimés. Je me souviens d'elle au sang de velours. Elle avait des mains qui parlaient d'amour, et tressait l'argile avec les nuages, et pressait le vent contre son visage pour en exprimer l'huile des voyages. Oh, les pommiers doux, rondes et ritournelles. J'ai pas peur des loups, chantonnait la belle. Ils ne sont pas méchants avec les enfants, dont le cœur est fidèle et les genoux blancs. Adieu mon Paris, dit le chevalier, j'ai dormi 100 ans debout sans manger les pommes d'argent de mes doux pommiers. Alors le village a crié si fort que toutes les filles ont couru dehors. Mais le chevalier n'a salué qu'elle, au sang de velours, au cœur tant fidèle. Chevalier fera la guerre en dentelle. Oh, les pommiers doux, rondes ritournelles, j'ai pas peur des loups, chantonnait la belle. Ils ne sont pas méchants avec les enfants, ont le cœur fidèle et les genoux.